les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Entre le premier discours qu'il prononça à la Convention le 13 novembre 1792 et son exécution sur la place de la Révolution le soir du 10 Thermidor an 2, il s'écoula à peine 2 ans. La carrière politique de Louis-Antoine Léon de Saint-Just, fulgurante, épouse la phase la plus sanglante de la Révolution. Celui qu'on surnomma l'archange de la Terreur devint vite, comme Robespierre, une figure légendaire et souvent caricaturée. En 1958, Alain Trutat proposait un retour aux sources en nous plongeant dans les écrits et les discours de l'un des personnages les plus fascinants de la Révolution. Anthologie française, Saint-Just, une émission diffusée pour la première fois le 9 mai 1958. Je ne suis d'aucune faction, je les combattrai toutes. Elles ne s'éteindront jamais que par les institutions qui produiront les garanties, voilà Saint-Just à la tribune, qui poseront la borne de l'autorité la et feront plonger sans retour l'orgueil humain sous le joug de la liberté. Au revoir, je demande la parole. Un vain bruit. Prêtons l'oreille sur les siècles écoulés. Nous n'entendrons plus rien. Ceux qui, dans d'autres temps, se promèneront parmi nos urnes n'en entendront pas davantage. Le bien, voilà ce qu'il faut faire, à quelque prix que ce soit, en préférant le titre de héros mort à celui de lâche vivant. Il devait être environ 7 heures du soir. 7h30 peut-être. Le 10 Thermidor en 2. Lorsque le citoyen Saint-Just, âgé de 26 ans, gravit silencieusement les marches de l'échafaud. La Révolution venait d'être guillotiné. Désormais, la République. La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter Saint-Just, une émission présentée et réalisée par Alain Trutat, avec Michel Bouquet et Jean Topard, ainsi que Roger Blin, Jacqueline Harpet, Jean Levray, Jean Martin, Yves Pénaud, Anne Pérez. Illustration rythmique, Lino Pirollo. À mi-chemin entre Nevers et Moulins, sur une île rocheuse de la Loire, oui, sur une île, là où jadis fut fondée la cité gallo-romaine des Éduéens, à Decize, en Nivernais, naissait le 25 août 1767 Louis-Antoine Léon de Saint-Just. Son père, le chevalier Louis-Jean de Saint-Just de Richebourg, 52 ans, un chevalier de fraîche date, sans quartier de noblesse, en fait un paysan picard, fils et petit-fils de paysans. Soldat sorti du rang, il est devenu capitaine de cavalerie, capitaine de chevaux légers, comme on disait alors, et maréchal des logis de la compagnie des gardes du duc de Berry. Sa mère, Marie-Anne Robineau, 32 ans, une Nivernaise, fille de maître Robineau, notaire royal et grainetier au grenier à sel. Petite bourgeoisie de robe toute récente, la famille s'était plutôt enrichie jusqu'alors dans le négoce, la boulangerie ou la tannerie. Beaucoup de curés aussi dans cette famille. Lorsque son père meurt, le petit Saint-Just a 10 ans. On le met en pension chez les oratoriens de Saint-Nicolas à Soissons. Il y restera 9 années de suite. En 1786, il part pour Paris, au collège Louis-le-Grand pour terminer ses études, sous les arcades du Palais-Royal pour courir la gueuse. 10 ans plus tard, il a 21 ans, il reçoit, ou il achète, un diplôme de licencié S-Loi à Reims, le 15 avril 1788. Par décision en date du 8 août de la même année, les états généraux allaient être convoqués. Et quoique la convocation de ces assemblées parut être tombée en désuétude, je n'ai pas balancé à rétablir un usage dont le royaume peut tirer une nouvelle force et qui peut ouvrir à la nation une nouvelle source de bonheur. Ainsi dira Louis XVI. Durant ses vacances, qu'il passait à Blérancourt dans l'Aisne, chez sa mère, le jeune Saint-Just s'était pris de passion pour la fille d'un notaire, décidément, d'un an son aîné, Louise Thérèse Sigrade Gelé. Thérèse. Je veux avoir une gente maîtresse, je n'entends point par gente une déesse, car je l'irai quérir parmi les champs. Je veux qu'elle ait une taille gentille, un cœur ouvert, qu'elle ait toujours 15 ans, qu'elle soit douce et que son œil pétille. Je lui voudrais un petit sourire fin, sans hardiesse, un petit air malin, auprès de moi surtout qu'elle rougisse, et qu'elle soit enfin telle que Nice. Ce médaillon un peu mièvre, c'est Saint-Just qui l'a crayonné. Nice, la gente maîtresse au sourire fin, se semble bien être Thérèse. Pour des raisons d'intérêt, pour des jalousies, pour des ragots, les parents des jeunes amants s'opposèrent à leur mariage. Mais vainement Nice se livre aux pleurs et son amant à l'horrible fureur. Thérèse, la fille de maître Gelé, notaire, se verra contrainte d'épouser le fils de maître Thorin, notaire, et notaire lui-même. Toutefois Saint-Just, nous le verrons, saura retrouver Thérèse. Dans l'instant, il travaille à Organ, un trop long poème, plus de 6000 vers. On pense à Voltaire, la Pucelle d'Orléans, à La Fontaine, à Cervantes, à Rabelais surtout. Obscène parfois, Organ souvent atteint les hauteurs du blasphème. Un régiment force-t-il la porte d'un couvent ? L'abbesse eut soin d'avertir les nouvelles que le grand saint allait les visiter, de se gaudir et de se tenir prête, et qu'un mystère allait tôt éclater. Et les nonnins, pour des anges, les prirent. Sainte dialectique. Oh, qu'il est doux de faire son salut. Mais ce fut bien encore autre miracle, quand tout à coup son regard s'anima, son sein bondit et son teint s'alluma. Quand un rayon émané de la grâce la pénétra, confondit ses esprits et l'emporta tout droit au paradis. Et ici, Georges Bataille, n'est-ce pas la douceur du blasphème que nous donne à contempler cette image d'une angélique vierge forcée par un groupe de chevaliers? La pauvre Agnès, pâmée et confondue, n'ouvrait qu'à peine une mourante vue. Son sein, mouillé de larmes de plaisir, de temps en temps jetait quelques soupirs. Ses bras en croix, étendus sur le sable, rendaient ce signe encore plus adorable. Poème à clé, à la fin du volume, Saint-Just lui-même fournit quelques-unes de ses clés. Organ, souvent, est un poème autobiographique et parfois prophétique. Disons que Organ peut être considéré comme le brouillon, encore confus, de nombre des inspirations de Saint-Just. J'ai 20 ans, j'ai mal fait, je pourrais faire mieux. Telle est la préface laconique inscrite en tête du poème. Pour faire mieux, il ne dit pas encore pour faire le bien. Antoine Organ, Saint-Just, dénonce l'analogie générale des mœurs avec la folie. Enfin, au mois de mai 1789, l'ouvrage fut imprimé, prétendument au Vatican, effectivement à Paris. Un mois plus tard, la police entamait des poursuites contre l'auteur et saisissait les exemplaires qu'on voulait bien lui remettre. Saint-Just, alors, estima préférable de quitter Blérancourt et de venir chercher refuge dans la capitale. Le 14 juillet 1789, la Bastille allait être renversée. Bastille est abandonnée et prise. Et le despotisme, qui n'est que l'illusion des esclaves, périt avec elle. Saint-Just assiste à la chute de la Bastille en spectateur distant. L'anecdote lui répugne. Les têtes au bout des lances, les lambeaux de chair, le sang. On ne songe point au plus solide des avantages, à la fuite des troupes qui bloquaient Paris. On se réjouit de la conquête d'une prison d'État. Ce qui portait l'empreinte de l'esclavage dont on était accablé frappait plus l'imagination que ce qui menaçait la liberté qu'on n'avait pas. Ce fut le triomphe de la servitude. Il semblait qu'on eût pris les armes pour des lettres de cachet. La liberté fut une passion plutôt qu'un sentiment. Organ dénonçait l'analogie des mœurs avec la folie. Le deuxième ouvrage de Saint-Just, L'esprit de la Révolution et la Constitution de la France, faisait l'analyse du destin de la Révolution. Le destin, qui est l'esprit de la folie et de la sagesse, se fait place au travers des hommes et conduit tout à sa fin. La Révolution de France n'est point le coup d'un moment. Elle a ses causes, sa suite et son terme. Avec cet ouvrage, déjà, c'est Saint-Just qui paraît, calme et passion mêlée, avec son flegme et son exaltation, et cette troublante assurance, timidement encore, mais déjà. Un peuple accablé d'impôts craint peu les révolutions et les barbares. De la nature de la liberté. La nature de la liberté est qu'elle résiste à la conquête et à l'oppression. Conséquemment, elle doit être passive. La France l'a bien senti. La liberté qui conquiert doit se corrompre. Du principe de la liberté. La servitude consiste à dépendre de lois injustes. La liberté de lois raisonnables, la licence de soi-même. Du principe de la justice. Je ne sache point que le but politique d'aucune constitution ancienne ou moderne ait été la justice et l'ordre intérieur. La première qu'il ait eue en vue est celle de la France. Toutes les autres, portées vers la guerre, la domination et l'or, nourrissaient le germe de leur destruction. La guerre, la domination et l'or les ont corrompus. Le gouvernement est devenu sordide, le peuple avare et fou. Conséquences générales. Les pouvoirs doivent être modérés. Les lois implacables. Les principes sans retour. Le jeune homme qui écrit ces lignes a 22 ans, a 23 ans. Il ne prétend faire le procès à personne. Tout est relatif dans le monde. Dieu même... Alors, c'est au législateur que fait appel le jeune Saint-Just. Il n'est point de vice que l'art du législateur, s'il n'est point un tyran, ne puisse pliguer à la liberté. Quand un peuple devenu libre a établi de sages lois, sa révolution est faite. Si ces lois sont propres au territoire, la révolution est durable. Et il ajoute : un peuple qui aime les conquêtes n'aime que sa gloire et finit par mépriser ses lois. Il est beau de ne prendre les armes que pour défendre sa liberté. Celui qui attaque celle de ses voisins fait peu de cas de la sienne. Et ceci encore fâcheusement actuel. Les colonies sont devenues le nerf des métropoles, jusqu'à ce qu'elles les aient corrompues. Qu'elles aient secoué leur injuste domination. Alors l'esprit du commerce, qui comprime aujourd'hui toute l'activité de l'Europe étant perdu, l'esprit de conquête prendra sa place. L'Europe deviendra barbare, ses gouvernements tyranniques, et les autres continents refleuriront peut-être. L'Europe, par la nature de son climat, doit conserver plus longtemps sa constitution et son négoce. Je dis sa constitution, car l'Europe n'est qu'un peuple. Le même commerce a produit les mêmes périls, les mêmes intérêts. Si jamais elle vient à perdre ses colonies, elle sera la plus malheureuse des contrées. Parce qu'elle aura conservé son avarice. Parce qu'elle aura conservé son avarice. L'entendez-vous ? Il est vrai qu'il s'agit d'un vieux petit texte de plus de 150 ans d'âge. Et ceci, enfin... Quand tous les hommes seront libres, ils seront égaux. Quand ils seront égaux, ils seront justes. Ce qui est honnête se suit de soi-même. Tout Tout en écrivant l'esprit de la Révolution et la Constitution de la France, Saint-Just, désireux d'être élu membre de l'Assemblée nationale, suit de près les événements qui se déroulent à Blérancourt, et il y participe activement. Par ailleurs, il viendra de plus en plus fréquemment à Paris. Rencontrera Camille Desmoulins, Robespierre, Marat peut-être. Mais toujours, il doit retourner à Blérancourt, et là, il se sent seul. Je suis isolé ici comme un saint, et vis de saint et triste vie. Je m'ennuie. Écrit-il à son éditeur. Et quelques mois plus tard, à un autre correspondant, cette lettre mystérieuse, cette lettre pathétique, qu'il n'enverra jamais. Pour moi, depuis que je suis ici, je suis remué d'une fièvre républicaine qui me dévore et me consume. Il est malheureux que je ne puisse rester à Paris. Je me sens de quoi surnager dans le siècle. Compagnons de gloire et de liberté, prêchez, là, dans vos sections, que le péril vous enflamme. Allez voir Desmoulins, embrassez-le pour moi, et dites-lui qu'il ne me reverra jamais, que j'estime son patriotisme, mais que je le méprise, lui, parce que j'ai pénétré son âme et qu'il craint que je ne le trahisse. Dites-lui qu'il n'abandonne pas la bonne cause, et recommandez-le lui, car il n'a pas encore l'audace d'une vertu magnanime. Adieu, je suis au-dessus du malheur. Je supporterai tout, mais je dirai la vérité. Vous êtes des lâches qui ne m'avez point apprécié. Ma palme s'élèvera pourtant, et vous obscurcira peut-être. Infâme que vous êtes, je suis un fourbe, un scélérat, parce que je n'ai pas d'argent à vous donner. Arrachez-moi le cœur et mangez-le. Vous deviendrez ce que vous n'êtes point, grand. Oh Dieu, faut-il que Brutus languisse oublié loin de Rome? Mon parti est pris, cependant. Si Brutus ne tue point les autres, il se tuera lui-même. Adieu. Venez. Enfin, le 5 septembre 1792, réunie en l'église Saint-Gervais de Soissons, l'Assemblée des électeurs de l'Aisne proclame Saint-Just élu député à la Convention. Il est âgé de 25 ans, depuis 10 jours. Saint-Jean du Messie du peuple, dira Lamartine, Saint-Just, silencieuse et impalpable, siège aux côtés de Robespierre. C'est seulement le 13 novembre, 2 mois après son arrivée à Paris, que pour la première fois, Saint-Just va s'adresser à la Convention. J'entreprends, citoyens, de prouver que le roi peut être jugé. Que l'opinion de Morisson qui concerne l'inviolabilité et celle du comité qui veut qu'on le juge en citoyen sont également fausses. Et que le roi doit être jugé dans des principes qui ne tiennent ni de l'un ni de l'autre. Le comité de législation qui nous a parlé très sainement de la vaine inviolabilité du roi. Dès l'attaque du discours, les députés sont subjugués. Ce jeune homme, aux longs cheveux blonds, balaie, sans autre préambule, les opinions émises jusqu'alors. Il répudie les arguments du droit et ceux de la raison, de la sensibilité aussi, de la prudence, de l'hypocrite prudence. S'étonneront de la barbarie d'un siècle où ce fut quelque chose de religieux que de juger un tyran. Où le peuple, qui eut un tyran à juger, l'éleva au rang de citoyen avant d'examiner ses crimes. Songea plutôt à ce qu'on dirait de lui qu'à ce qu'il avait à faire. Et d'un coupable de la dernière classe de l'humanité, je veux dire, celle des oppresseurs, fit, pour ainsi dire, un martyr de son orgueil. On s'étonnera un jour qu'au XVIIIe siècle, on ait été moins avancé que du temps de César. Là, le tyran fut immolé en plein Sénat, sans autre formalité que 23 coups de poignard, et sans autre loi que la liberté de Rome. Et aujourd'hui, l'on fait avec respect le procès d'un homme assassin d'un peuple, pris en flagrant délit, la main dans le sang, la main dans le crime. Les mêmes hommes qui vont juger Louis ont une république à fonder. Ceux qui attachent quelque importance au juste châtiment d'un roi ne fonderont jamais une république. Parmi nous, la finesse des esprits et des caractères est un grand obstacle à la liberté. On embellit toutes les erreurs, et le plus souvent, la vérité n'est que la séduction de notre goût. On a posé des principes. À la raison, Saint-Just va opposer la conscience. À la passion, il opposera le courage. À la justice, il va ajouter le devoir. Se déploient tour à tour, où sont un frein ingénieux à l'essor de la vigueur combinée dont nous avons besoin, où sont la marque de l'impuissance de l'esprit humain. Nous devons donc avancer courageusement à notre but et, si nous voulons une république, y marcher très sérieusement. Nous cherchons la liberté et nous nous rendons esclaves l'un de l'autre. De l'éloquence, de l'art oratoire, Saint-Just pulvérise tout le creux, le sonore, l'artifice. Par la lucidité de sa pensée et la pureté de son style, sa parole postule le monde objectif de l'histoire et non le médiocre univers combinatoire d'intrigues, de préséances et autres consultations ministérielles. Le prince n'aurait point de juge et serait un tyran. Aussi, l'inviolabilité de Louis ne s'est point étendue au-delà de son crime et de l'insurrection. C'est dans ce discours que vont retentir, lancés comme autant de cris de guerre, certaines des paroles qui, du jour au lendemain, allaient conférer à Saint-Just l'éclat de toute leur rigueur. Ce contrat était tellement oppressif qu'il obligeait les citoyens et non le roi. Pour moi, je ne vois point de milieu. Cet homme doit régner ou mourir. Il vous prouvera que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour soutenir le dépôt qui lui était confié. Car, en engageant avec lui cette discussion, vous ne lui pouvez demander compte de sa malignité cachée. Il vous perdra dans le cercle vicieux que vous tracez vous-même pour l'accuser. Citoyens, ainsi les peuples opprimés au nom de leur volonté s'enchaînent indissolublement par le respect de leur propre orgueil, tandis que la morale et l'utilité devraient être l'unique règle des lois. Ainsi, par le prix qu'on met à ces erreurs, on s'amuse à les combattre au lieu de marcher droit à la vérité. On ne peut point régner innocemment, la folie en est trop évidente. Tout roi est un rebelle et un usurpateur, les rois même. Traitait-il autrement les prétendus usurpateurs de leur autorité? Ne fit-on pas le procès à la mémoire de Cromwell? Eh, certes, Cromwell n'était pas plus usurpateur que Charles Ier, car lorsqu'un peuple est assez lâche pour se laisser mener par des tyrans, la domination est le droit du premier venu, et n'est pas plus sacré ni plus légitime sur la tête de l'un que sur celle de l'autre. Voilà les considérations qu'un peuple généreux et républicain ne doit pas oublier dans le jugement d'un roi. On cherche à remuer la pitié. On achètera bientôt les larmes. On fera tout pour nous intéresser, pour nous corrompre même. Peuple, si le roi est jamais absous, souviens-toi que nous ne serons plus dignes de ta confiance. Et tu pourras nous accuser de perfidie. Debout, tous les députés de la Convention acclament Saint-Just. Celui-ci, déjà, a regagné sa place. Silencieux. On eût dit qu'une main hardie venait de déchirer le nuage des lois écrites et de faire apparaître la juridiction du glaive sur le front de tous les rois. Quelques semaines plus tard, la Convention, embarrassée par la présence de Philippe Égalité, cherche comment parer à un éventuel rétablissement de la royauté. Voici des jours que s'éternise la discussion. Question d'influence, de personne, de date. Trop de faux fuyants, Saint-Just prend la parole. Brutus chasse les Tarquins pour assurer la liberté de Rome. Mais ici, je ne sais pas si l'on ne chasse point les Bourbons pour faire place à d'autres Tarquins. Rome avait des lois, Rome avait Brutus. Je ne vois rien ici. On affecte en ce moment de lier d'Orléans au jugement du roi, pour sauver celui-ci ou pallier son jugement. Je demande que le comité présente d'ici au jugement du roi les droits de l'homme et l'acte constitutionnel de la République, et que la famille d'Orléans se retire le lendemain. Cette foudroyante intervention nous montre au plus vif le génie de Saint-Just, son style. qu'un problème se pose, il n'en fait pas un amalgame inextricable de nouveaux problèmes. Il lui donne réponse. Il ne cherche pas, comme le fera Napoléon, à s'en emparer pour le soumettre à sa bonne fortune, pour le tailler en pièces ou l'escamoter. Il pose le problème dans sa vraie lumière et il lui donne réponse. Je n'aime point les mots nouveaux. Je ne connais que le juste et l'injuste. Ces mots sont entendus par toutes les consciences. Il faut ramener toutes les définitions à la conscience. L'esprit est un sophiste qui conduit toutes les vertus à l'échafaud. Saint-Just donne réponse, et la vertu de sa réponse est telle, exemplaire, qu'elle domine le problème. La politique avait compté beaucoup sur cette idée que personne n'oserait attaquer des hommes célèbres environnés d'une grande illusion. J'ai laissé derrière moi toutes ces faiblesses. Je n'ai vu que la vérité dans l'univers et je l'ai dite. On a fréquemment parlé des formules de Saint-Just. Rien ne ressemble à la vertu comme un grand crime. Formules à la romaine. L'opulence est une infamie. Péremptoire. Un gouvernement républicain a la vertu pour principe, sinon la terreur. Que veulent ceux qui ne veulent ni vertu ni terreur ? Irréplicable. L'amour propre du peuple a plus d'esprit que nous. On a beaucoup parlé de son style lapidaire. Il faut opprimer les tyrans ! Plus précisément, il s'agit d'une pensée axiomatique. L'esprit a des erreurs. Les erreurs de la conscience sont des crimes. Pensée qui atteste d'elle-même son évidence. Ce qui produit le bien général est toujours terrible, ou paraît bizarre, quand on commence trop tôt. Et qui s'épanouit universel. Les malheureux sont les puissances de la terre ! Ses intuitions logiques. La vertu a de nobles sentiments qui la perdent. Ces vérités de la conscience. Tous les arts ont produit leurs merveilles. L'art de gouverner n'a produit que des monstres. Saint-Just les énonce non seulement comme vérités de principe. Tout le monde est coupable quand la patrie est malheureuse. Mais aussi comme vérités de conviction. Vous périrez, vous qui cherchez un bonheur à part de celui du peuple. Comme oracle. Je parle ici dans la simplicité de mon cœur. La monarchie n'est point un roi, elle est le crime. La république n'est point un sénat, elle est la vertu. Quiconque ménage le crime veut rétablir la monarchie. Il n'arrêtera point par des milices. Leur ambition toujours légale agitera le peuple, agitera les armées, agitera les lois. Vos milices en imposeront-elles au point de tout dire, au pouvoir de tout entraîner? Non, non! Point d'armes pour les tyrans! Armez la vertu de la dextérité du crime contre le crime. Armez le peuple. C'est lui qui doit régner. L'usurpation est une énigme que l'on devine toujours trop tard. Je suis présent aux réflexions particulières qui naissent dans les cœurs qui m'entendent. Le moment d'éclater n'est pas encore venu. Ce n'est point tout. Il est dans la nature des choses que nos affaires économiques se brouillent de plus en plus, jusqu'à ce que la République établie embrasse tous les rapports, tous les intérêts, tous les droits, tous les devoirs, et donne une allure commune à toutes les parties de l'État. Un peuple qui n'est pas heureux n'a point de patrie, il n'aime rien. Et si vous voulez fonder une République, vous devez vous occuper de tirer le peuple d'un état d'incertitude et de misère qui le corrompt. On dit souvent, lorsque l'on parle de la morale, doivent manger seuls. Ils doivent être frugales et se souvenir qu'ils répondent du salut public. Et que la chute éternelle des rois est préférable à la mollesse passagère. Ceux qui font des révolutions dans le monde, ceux qui veulent faire le bien, ne doivent dormir que dans le tombeau. C'est le 8 Ventôse en 2, vulgairement 26 février 1794, que Saint-Just devait lire à la Convention l'un de ses plus importants discours, l'un de ses plus beaux discours, rapport sur les suspects incarcérés. Ce premier discours, complété 5 jours plus tard d'un rapport sur le mode d'exécution du décret contre les ennemis de la Révolution, donnera naissance au fameux décret de Ventôse. La Révolution allait se trouver dotée d'une législation à caractère socialiste, telle qu'aujourd'hui encore, on en ignore les prémices. Audacieusement, le législateur Saint-Just propose la confiscation totale des biens de tous les conspirateurs royalistes, émigrés ou non, et leur répartition entre les républicains indigents. Dans une monarchie, il n'y a qu'un gouvernement. Dans une république, il y a de plus des institutions, soit pour comprimer les mœurs, soit pour arrêter la corruption des lois ou des hommes. Un État où ces institutions manquent n'est qu'une république illusoire. et comme chacun y entend par sa liberté l'indépendance de ses passions et de son avarice, l'esprit de conquête et l'égoïsme s'établissent entre les citoyens, et l'idée particulière que chacun se fait de sa liberté selon son intérêt produit l'esclavage de tous. Nous avons un gouvernement. Nous avons ce lien commun de l'Europe qui consiste dans les pouvoirs et une administration publique. Les institutions qui sont l'âme de la République nous manquent. Vous avez voulu une République. Si vous ne vouliez point en même temps ce qui la constitue, elle ensevelirait le peuple sous ses débris. Ce qui constitue une République, c'est la destruction totale de ce qui lui est opposé. On se plaint des mesures révolutionnaires, mais nous sommes démodérés en comparaison de tous les autres gouvernements. Insensés que nous sommes, nous mettons un luxe métaphysique dans l'étalage de nos principes, et les rois, mille fois plus cruels que nous, dorment dans le crime. On semble ne compter pour rien le sang de 200 000 patriotes répandus et oubliés. On en a fait un mémoire, on est vertueux par écrit. Il suffit. On s'exempte de probité, on s'est engraissé des dépouilles du peuple. On en regorge et on insulte. Chacun immole le bonheur public au sien. Notre but est de créer un ordre de choses tel qu'une pente universelle vers le bien s'établisse, tel que les factions se trouvent tout à coup lancées sur l'échafaud, tel qu'une mâle énergie incline l'esprit de la nation vers la justice, tel que nous obtenions dans l'intérieur le calme nécessaire pour fonder la félicité du peuple. Ceux qui font des révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau. La révolution nous conduit à reconnaître ce principe que celui qui s'est montré l'ennemi de son pays n'y peut être propriétaire. Il faut encore quelques coups de génie pour nous sauver. Serait-ce pour ménager les jouissances à ces tyrans que le peuple verse son sang sur les frontières et que toutes les familles portent le deuil de leurs enfants? Vous reconnaîtrez ce principe. Que celui-là seul a des droits dans notre patrie qui a coopéré à la franchir. Abolissez la mendicité qui déshonore un État libre. Les propriétés des patriotes sont sacrées, mais les biens des conspirateurs sont là pour tous les malheureux. Les malheureux sont les puissances de la terre. Ils ont le droit de parler en maître au gouvernement qui les néglige. Lorsque je suis dans une société populaire, que mes yeux sont sur le peuple qui applaudit et qui se place au second rang, que de réflexions m'affligent. Mettez tout à sa place. L'égalité n'est pas dans les pouvoirs utiles au peuple, mais dans les hommes. L'égalité ne consiste pas en ce que tout le monde est de l'orgueil, mais en ce que tout le monde est de la modestie. Osez ! Ce mot renferme toute la politique de votre révolution. Pour vous, détruisez le parti rebelle, bronzez la liberté, vengez les patriotes victimes de l'intrigue, mettez le bon sens et la modestie à l'ordre du jour. Ne souffrez point qu'il y ait un malheureux ni un pauvre dans l'État. Ce n'est qu'à ce prix que vous aurez fait une révolution et une république véritable. Et qui vous saurait gré du malheur des bons et du bonheur des méchants? 5 jours plus tard, second rapport de Saint-Just, disant notamment « Que l'Europe apprenne que vous ne voulez plus un malheureux ni un oppresseur sur le territoire français. Que cet exemple fructifie sur la terre, qu'il y propage l'amour des vertus et le bonheur. Le bonheur est une idée neuve en Europe. Je vous propose le décret suivant. Article 1er. Toutes les communes de la République dresseront un état des patriotes indigents qu'elles renferment avec leur nom, leur âge, leur profession, le nombre et l'âge de leurs enfants. Article 2e. Lorsque le comité de salut public aura reçu ces états, il fera un rapport sur les moyens d'indemniser tous les malheureux avec les biens des ennemis de la Révolution. Article 3e, en conséquence, le comité de sûreté générale donnera des ordres précis à tous les comités de surveillance de la République pour que ces comités lui fassent passer respectivement les noms, la conduite de tous les détenus depuis le 1er mai 1789. Ces décrets ne furent jamais mis en application. Politique, orateur, écrivain, puisqu'il faut bien le dire, les livres sont là sur la planche, Saint-Just demeure glorieusement un homme d'action. Ou plutôt, spectateur, nous voyons la pensée susciter en lui l'accent du mouvement, intégralement. L'être de l'homme, c'est l'action, dira Hegel. Dans le même temps qu'il rédige les lois de la République, Saint-Just esquisse dans ses carnets les bases de futures institutions républicaines. Il faut substituer par les institutions la force et la justice inflexible des lois à l'influence personnelle. Institution de rêve, un peu. Les meurtriers seront vêtus de noir toute leur vie. Fragment d'une utopie. Un soldat a le droit de porter une étoile d'or sur son vêtement à l'endroit où il a reçu les blessures. S'il est mutilé ou s'il a été blessé au visage, il porte l'étoile sur le cœur. Dans le même temps, législateur, fondateur, poète, Saint-Just, commissaire aux armées de la République, ne cesse d'être partout à la fois, à la Convention, au comité de salut public et aux frontières du Nord et de l'Est. Là, avec son ami Philippe Lebas, dans chacun de ses écrits, gravant les actes de défense de la République, il semble précipiter tout le luxe de l'écriture. Les représentants du peuple envoyés extraordinairement à l'armée du Rhin, aux soldats de cette armée. Soldats, nous venons vous venger et vous donner des chefs qui vous mènent à la victoire. Nous avons résolu de chercher, de récompenser, d'avancer le mérite et de poursuivre tous les crimes, quels que soient ceux qui les aient commis. Courage, brave armée du Rhin! Tu seras désormais heureuse et triomphante avec la liberté. Au général en chef de l'armée du Rhin, vous donnerez ordre, général, à tous les officiers généraux de coucher et de manger dans leurs tentes à la tête de leurs divisions et brigades. Réponse des représentants du peuple à un trompette de l'armée ennemie. La République française ne reçoit de ses ennemis et ne leur envoie que du plomb. Sur le compte-rendu de la malpropreté des hôpitaux, les représentants du peuple arrêtent que la municipalité de Strasbourg tiendra 2000 lits près dans 24 heures chez les riches de Strasbourg pour être délivrés aux soldats. Ils y seront soignés avec le respect dû à la vertu et aux défenseurs de la liberté. 10 000 hommes sont nu-pieds dans l'armée. Il faut que vous déchaussiez tous les aristocrates de Strasbourg dans le jour et que demain, à 10 heures du matin, les 10 000 paires de souliers soient en marche pour le quartier général. Tous les manteaux des citoyens de la ville de Strasbourg sont en réquisition. Ils devront être rendus demain soir dans le magasin de la République. Les représentants du peuple envoyés extraordinairement aux armées du Rhin et de la Moselle informés que Schneider, accusateur près le tribunal révolutionnaire, ci-devant prêtre et né sujet de l'empereur, s'est présenté aujourd'hui dans Strasbourg avec un faste insolent, traîné par 6 chevaux, environné de gardes, le sabre nu. Arrête ! Que le dit Schneider sera exposé demain, depuis 10 heures du matin jusqu'à 2 heures après-midi sur l'échafaud de la guillotine à la vue du peuple, pour expier l'insulte faite aux mœurs de la République naissante. Le commandant de la place est chargé de l'exécution du présent arrêté et en rendra compte demain à 3 heures après-midi. Au général Jourdan. La marche triomphante et rapide depuis Arlon nous fait espérer que la guerre la plus offensive sera de ton goût. Nous surveillerons les administrations, l'obéissance des chefs, les ressources. Tu n'auras qu'à vaincre. Qu'aucune défiance de toi-même n'entre dans ton cœur, qu'il ne soit sensible qu'à la gloire de la République. Maintiens l'enthousiasme dans l'armée par des succès continuels et par l'audace. La guerre de la liberté doit être faite avec colère. N'oublie point qu'il faut empêcher que l'ennemi, dans son désespoir, n'abandonne un point pour se porter tout entier sur l'autre. Maintiens sa diversion en le combattant sans cesse. Empêche aussi qu'il ne brûle Maubeuge. Le meilleur moyen d'y parvenir est de le poursuivre sur toute la rive de la Sambre. Nous comptons sur toi. Cette lettre était datée du 26 Prairial en 2. 14 juin 1794. Deux jours plus tard, Fleurus voyait triompher les armées de la République. Elle arrivait à pas très lents. Elle entra, l'embrassa, lui pressa la main. Il lui reprocha doucement sa longue absence et son silence. Elle ne répondit rien. Sur un petit carnet, trouvé sur lui le 9 Thermidor, on peut déchiffrer, tracé d'une écriture minuscule, le fragment d'un récit romanesque, apparemment, précédé de quelques notes sur l'amour. Pour être heureux avec les femmes, il faut les rendre heureuses sans le leur faire sentir, la laisser absolument libre. Celui qui veut rendre une femme heureuse doit l'abandonner à elle-même. À qui pensait Saint-Just ? Très probablement à Thérèse, la gente maîtresse au sourire fin, devenue l'épouse de Maître Thorin, notaire. Au printemps de 1790, Thérèse était redevenue la maîtresse de Saint-Just. Durant l'été 1793, elle s'était enfuie de chez son notaire de Marie, et depuis, vécut-elle à Paris, non loin de Saint-Just ? Les deux amants eurent-ils un enfant ? Par ailleurs, sur ce petit carnet, ces lignes, romanesques apparemment, ne sont-elles pas confidences attristées d'un dernier rendez-vous ? D'un dernier souvenir à retenir. Saint-Just ici ne se soucie pas d'art, mais écrivant pour se souvenir d'elle, il écrit aussi pour se souvenir de lui. Dira André Malraux. Elle ne répondit rien. Il la conduisit par la main, et arrivé dans son appartement, il lui prodigua les plus douces caresses. Elle souriait et ne proférait aucune parole. Ils se disposèrent tous les deux sur un lit. Elle ne goûta point de plaisir, mais prit beaucoup de part à celui de son ami. Elle passa ses mains sur sa peau autour de son corps. Elle croisa ses jambes sur les siennes. Il lui demanda si elle ne l'aimait plus. Elle l'embrassa et garda un profond silence. Que j'ouvre ta bouche par un baiser. Ensuite, il lui fit le reproche de ce qu'elle n'avait point écrit. Je devais venir. Autrefois, quand tu venais, tu m'apportais plusieurs lettres. Elle ne répondit rien. Je te fuirai. Elle ne dit mot. Mais par où finirons-nous ? Il faudra nous séparer. Tu ne penses donc point à l'avenir ? Je n'y pense plus. Je ne sais pourquoi. Il me semble que je te verrai toujours ici. Tu deviens indifférente. Mais pourquoi tant de tristesse ? Tu veux que je te suive. Je ne pourrai jamais m'y résoudre. Je te le promettrai pour t'engager à faire ton avancement. Nous verrons ensuite. Mais je ne pourrai jamais m'y résoudre. Dans ce cas, oublions-nous sur le champ. Allons, prends courage. Puisqu'il faut nous séparer un jour, épargnons-nous plus de regrets. Adieu. J'aurai une autre femme. Je t'amènerai mes petits-enfants, tu les aimeras comme les tiens. Non ! Et elle fondit en larmes en le pressant plusieurs fois. Surmontons notre faiblesse. Et il lui répéta qu'il prendrait une femme qui lui ressemblerait et qui lui amènerait ses petits-enfants. Tu vois comme je sais prendre mon parti. Je le prendrais de même si tu étais infidèle. Tu n'es point jalouse ? Non. Tu m'aimes ? Oui, je t'aime. Eh bien, il faut l'oublier. Nous séparer. Ne plus nous revoir. Elle pleura. Il ne tarda pas à lui montrer qu'il l'aimait toujours de même. Il lui fit promettre de revenir le surlendemain. Elle emporta le secret de sa tristesse. Tel est l'homme Saint-Just. Surmontons notre faiblesse. Il condamne l'indulgence. Soyez inflexible. C'est l'indulgence qui est féroce puisqu'elle menace la patrie. Mais il se défie de la terreur. La terreur est une arme à deux tranchants dont les uns se sont servis à venger le peuple et d'autres à servir la tyrannie. Au reste, ainsi que le rappelait Albert Mathiez et après lui Albert Olivier, le tribunal révolutionnaire de Paris prononça jusqu'au 9 Thermidor 2500 condamnations alors que pendant la guerre de 1914 2700 personnes ont été fusillées par erreur et réhabilitées par la Cour de cassation après leur mort. Élu député à la Convention, le 5 septembre 1792, Saint-Just n'aura plus que 22 mois et 23 jours à vivre. Le 27 juillet 1794, 9 Thermidor an 2, il prononce son dernier discours pour la défense de Robespierre. Le 5 Thermidor, les deux comités, le comité de salut public et le comité de sûreté générale, ont chargé Saint-Just d'établir un grand rapport. Un rapport général sur l'influence que l'étranger avait tenté d'acquérir et sur les moyens de faire cesser la calomnie et l'oppression sous lesquelles on a voulu mettre les patriotes les plus ardents et qui ont rendu les plus grands services à la République. Ainsi parle Barrère, le trop souple avocat toulousain. Mais Saint-Just, plus expressément... Un rapport sur les causes de la commotion sensible qu'avait éprouvée l'opinion publique dans ces derniers temps. La situation n'est guère brillante. En gros plan, au comité de salut public, l'ambition. D'une part, Collot d'Herbois, Billot Varenne et Carnot aussi. D'autre part, Robespierre seul avec Couthon. En second plan, une multitude d'intrigues et de trafics. Les généraux, les administrateurs des finances, les agents secrets, divisions, spéculations, calomnies, pour saper le gouvernement révolutionnaire. Se dressant contre les factions, Saint-Just. Peut-être espère-t-il pouvoir jouer le rôle d'arbitre pour sauver le gouvernement révolutionnaire. Il ne veut pas improviser la foudre. Il ne faut du tonnerre qu'au faux Dieu, avait-il écrit naguère. Ce qu'il veut, c'est lancer un appel à la Convention nationale. Ce qu'il désire, c'est que les membres du gouvernement deviennent plus sages. Il note. L'État est-il victorieux? Chacun accroît son importance personnelle. La liberté n'est déjà plus. La jalousie et l'esclavage sont dans tous les cœurs. Et la dissimulation sur toutes les lèvres. C'est donc à vous, législateurs, de poser sans cesse la question du bien public, d'en rapprocher tout, d'y soumettre tout ce qui se dit et se fait. Par là, vous conserverez votre influence. Par là, vous substituerez dans l'État le génie commun de la patrie à la jalousie et aux cris des factions. Au comité de salut public d'abord, puis dans sa chambre de l'hôtel des États-Unis rue Gaillon, durant toute la nuit du 8 au 9 Thermidor, Saint-Just met la dernière main à son grand rapport. Il accuse Billot Varenne et Collot d'Herbois. Il fait allusion à Carnot, un général bien sûr, mais également un membre du gouvernement qui mène une politique trop personnelle. Je désire qu'on rende justice à tout le monde et qu'on honore des victoires, mais non point de manière à honorer davantage le gouvernement que les armées, car il n'y a que ceux qui sont dans les batailles qui les gagnent. Et il n'y a que ceux qui sont puissants qui en profitent. Il faut donc louer les victoires et s'oublier soi-même. Sylla était un fort bon général, un grand politique. Il savait administrer, mais il appliqua ce mérite à sa fortune. Saint-Just dénonce les factions. Puis il prend la défense de Robespierre, accusé d'être le tyran de l'opinion. Hier, à la Convention, Cambon, le douteux Cambon, a crié « Il est temps de dire la vérité tout entière. Un seul homme paralysait la volonté de la Convention nationale. Cet homme est celui qui vient de faire le discours. C'est Robespierre. Ainsi jugé !» Aujourd'hui, dans quelques heures, Saint-Just va pouvoir répondre. Un tyran de l'opinion qui vous empêche de disputer l'estime de la patrie. Vous qui trouvez mauvais qu'on la captive. Il n'est point de despote au monde, si ce n'est Richelieu, qui se soit offensé de la célébrité d'un écrivain. Démosthène était-il un tyran? Sous ce rapport, sa tyrannie sauva pendant longtemps la liberté de toute la Grèce. Ainsi, la médiocrité jalouse voudrait conduire le génie à l'échafaud. Eh bien, comme le talent d'orateur que vous exercez ici est un talent de tyrannie, on vous accusera bientôt comme des despotes de l'opinion. Le droit d'intéresser l'opinion publique est un droit naturel, imprescriptible, inaliénable. Et je ne vois d'usurpateur que parmi ceux qui tiendraient à opprimer ce droit. Avez-vous vu des orateurs sous le sceptre des rois? Non. Le silence règne autour des trônes. Ce n'est que chez les peuples libres qu'on a souffert le droit de persuader ses semblables. N'est-ce point une arène ouverte à tous les citoyens ? Que tout le monde se dispute la gloire de se perfectionner dans l'art de bien dire, et vous verrez rouler un torrent de lumière qui sera le garant de notre liberté, pourvu que l'orgueil soit banni de notre République. Immolez ceux qui sont les plus éloquents, et bientôt on arrivera à celui qui les enviait et qui l'était le plus après eux. Un censeur royal se serait contenté de dire « Vous avez écrit contre la cour et contre Monseigneur l'archevêque. » Mais qu'avons-nous donc fait de notre raison ? On dit aujourd'hui à un membre du souverain « Vous n'avez pas le droit d'être persuasif. » À l'aube du 9 Thermidor, Saint-Just sommeille un peu. Puis, au bois de Boulogne, un œillet rouge à la boutonnière, il va faire un temps de galop. À midi, enfin, un peu crispé, inquiet peut-être, un peu fébrile, son discours à la main. Pas à pas, Saint-Just monte à la tribune de la Convention. Je ne suis d'aucune faction, je les combattrai toutes. Elles ne s'éteindront jamais que par les institutions qui produiront les garanties, qui poseront la borne de l'autorité et feront plonger sans retour l'orgueil humain sous le joug de la liberté publique. On ne laissa pas à Saint-Just le droit d'être persuasif. Tallien d'abord, puis Collot d'Herbois, puis Delmas, puis Billaud-Varenne, enfin tous ceux des factions organisent le tapage. Alors, à peine a-t-il prononcé les deux ou trois premières phrases de son discours, Saint-Just se tait. La Convention s'en prend aussitôt à Robespierre, auquel on refuse la parole. Le dos à la tribune, Saint-Just se tait. Louchet, Lacoste déjà, et Fréron, Fréron qui voulait que Marie-Antoinette fût attachée vive à la queue d'un cheval et traînée dans les rues de Paris, Louchet, Lacoste et Fréron se déchaînent et obtiennent d'une assemblée terrorisée l'arrestation des deux Robespierre et l'arrestation de Couthon, l'arrestation de Saint-Just. Lebas, le fidèle Lebas, explose. Je ne veux pas partager l'opprobre de ce décret. Arrêtez-moi ! Seul, les bras croisés, un peu pâle, pâle du baiser fort de la liberté, Saint-Just est demeuré silencieux depuis midi. À 4 heures, tout est terminé. Les condamnés sont arrêtés et sont emprisonnés. Dans la soirée, les patriotes réussissent à libérer certains d'entre eux. Ils vont trouver refuge à l'hôtel de ville, au cœur même de la commune. Saint-Just ne sera délivré que tard dans la nuit. Il est 11 heures, minuit, peut-être plus. Que dit-il ? Que fait-il ? Que propose-t-il ? Aujourd'hui encore, nul ne le sait. Presque dans le même temps, en fait, avant que Saint-Just ait pu agir, mais le voulait-il ? Les troupes de la Convention ont envahi la commune. Robespierre aura la mâchoire fracassée, une balle tirée, on ne sait d'où. Son frère se jettera par la fenêtre. Lebas se tuera d'un coup de pistolet. Seul Saint-Just tend les poignets à ses geôliers et se laisse ligoter, sans une parole. Depuis le 9 Thermidor à midi, Saint-Just semble être demeuré à jamais silencieux. Dans l'après-midi, les prisonniers comparurent devant le tribunal révolutionnaire. Déclarés hors la loi, ils subissent un simple interrogatoire d'identité, puis Fouquier-Tinville leur lit le décret de condamnation. Vers 6 heures, 3 charrettes quittèrent la conciergerie, emmenant 22 condamnés à mort, pour la place de la Révolution, aujourd'hui place de la Concorde. Silencieux toujours, Saint-Just se tient droit, paisible apparemment, sous les injures de la populace. Il doit être environ 7 heures du soir, 7h30, le 10 Thermidor en deux, lorsque le citoyen Saint-Just, âgé de 26 ans, gravit silencieusement les marches de l'échafaud. La Révolution venait d'être guillotinée. Désormais la République. Le soleil était encore chaud. Cependant, il n'éclairait presque plus la terre. Désormais, la République, on connaît la suite de l'histoire. Les fleuves de sang, les fleuves de boue, la terreur blanche, les carnages de Bonaparte. Bonaparte et ses 8 millions d'hommes tués. Société, tout est rétabli. Désormais, la République... Citoyens, on arrête en vain l'insurrection de l'esprit humain. On insiste généralement sur la rigueur de Saint-Just, que l'on nomme inflexible, sur sa logique qui serait froide. On reconnaît qu'il est éblouissant, mais c'est d'un éclat dangereux qu'il brille à nos yeux, celui du couteau nu. Balzac, parlant d'une autre révolution, ne pouvait s'empêcher d'y voir les baïonnettes briller d'intelligence. Et il est bien évident que seules des baïonnettes révolutionnaires peuvent briller de quelque chose qui ressemble à de l'intelligence. Toutefois, réduire Saint-Just à de pareilles images, c'est de quelque manière faire de la littérature. C'est faux. Saint-Just n'en est pas moins fixé dans cette sorte d'image d'Épinal maudite. Certains sont allés jusqu'à proposer un Saint-Just solitaire, vierge, impuissant, et jusqu'à voir dans le silence qu'il observa depuis le 9 Thermidor à midi une étrange défaillance, alors qu'il se tait parce qu'il sait qu'il n'y a plus rien à dire et qu'il n'y a même pas lieu d'accuser quelqu'un de sa mort, lui qui écrivait « Le jour où je me serai convaincu qu'il est impossible de donner au peuple français des mœurs douces, énergiques, sensibles et inexorables pour l'injustice et la tyrannie, je me poignarderai. » Même ceux qui l'admirent laissent donc entendre qu'il a quelque chose d'inhumain. C'est un fait que l'on n'a jamais proposé d'élever une statue à Saint-Just. Il nous fait encore peur. Ce phénomène est extraordinaire, car enfin, nous continuons à vivre sur la Révolution française. Elle ne décide pas seulement de notre identité, elle est notre justification, et cependant, nous nous détournons de celui qui en fut la conscience la plus pure. Tous les écoliers savent l'importance de la victoire de Fleurus, qui força le monde à reconnaître la Révolution comme une réalité définitive. Aucun manuel ne signale que Fleurus est l'œuvre de Saint-Just. Il y a de profondes raisons à cela. Plus que la personne de Saint-Just, c'est la nécessité d'une révolution qui se trouve par là obscurcie. Et il s'agit bien entendu ici des révolutions possibles, de la révolution attendue. Cela dit, l'imagerie dont Saint-Just est victime est aussi très révélatrice du mépris dans lequel nous tenons les hommes politiques en général. Mépris parfaitement justifié d'ailleurs, puisque les hommes politiques sont des gens qui acceptent d'exercer un pouvoir dont ils ne connaissent pas la nature. Dans ce sens, c'est une vérité toujours actuelle que le célèbre « on ne peut point régner innocemment ». On aurait tort de croire que cet axiome ne s'applique qu'au roi. Les gouvernements des régimes contemporains auraient tort de croire qu'il ne s'applique pas à eux. Les conversations entre Roosevelt, Churchill et Staline pendant la dernière guerre nous sont aujourd'hui connues. En des termes d'une grossièreté inimaginable, on y entend trois potentats grotesques se partager l'empire du monde. Si l'on ajoute qu'ils luttaient ensemble contre un despote infiniment plus terrifiant, on conviendra que la barbarie du pouvoir politique ne s'est guère éloignée de nous. C'est à cela que Saint-Just était le plus sensible. Lui n'est pas un homme politique comme un autre, il dit plutôt le contraire de ce que disent les autres. Les malheureux sont les puissances de la terre, ils ont le droit de parler en maître au gouvernement qui les néglige. L'homme d'action sera toujours pour l'intellectuel un imposteur, dit Malraux. C'est sans doute vrai de tous les autres. Ce n'est pas vrai de Saint-Just. Ni intellectuel, ni homme d'action à proprement parler, Saint-Just entraîne dans l'action toutes les valeurs de la méditation. Il incarne à la perfection le génie éthique. Nulle distance entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, entre ce qu'il fait et ce qu'il est. Rigueur, mais le mot rigueur a deux sens. Il signifie sévérité excessive, il signifie aussi exactitude. La rigueur de Saint-Just, si rigueur il y a, ne s'apparente qu'à celle de Jeanne d'Arc. Bonté n'est pas contraire de rigueur, l'une n'est rien sans l'autre. Une lecture même rapide de Saint-Just suffit à montrer combien il se méfiait de la pure logique, comme il était loin de tout intellectualisme, et à quel point il est faux de l'accuser d'abstraction. Son premier mouvement, il est vrai, est un rappel au principe. Il répète inlassablement, il faut poser les principes et les mettre à leur place. Le mépris des principes doit être la mesure des prétentions cachées. Il est essentiel dans les révolutions où la vertu et la perversité jouent de si grands rôles de prononcer très nettement tous les principes, toutes les définitions, etc., etc. Il est certain qu'un Danton n'aurait pas pu parler ainsi. Et c'est l'honneur d'une pensée, sa simple probité, qu'exprime ce constant rappel aux principes. Mais son second mouvement, aussi constant que le premier, est une mise en garde contre les principes en soi, une admirable défiance à l'égard du jeu de l'esprit seul. L'esprit est un sophiste qui conduit les vertus à l'échafaud. Parmi nous, la finesse des esprits est un grand obstacle à la liberté. Esprit public, esprit n'est pas le mot, mais conscience. Attachez-vous à former une conscience publique. On le voit, ce qu'il disait de l'armée, il faut d'abord vaincre l'armée si vous voulez qu'elle vainque à son tour, il aurait pu le dire de l'esprit. D'une attitude à l'autre, il n'y a pas de rupture. Le lien, ou si l'on veut la synthèse, c'est l'insurrection de l'esprit. Vous venez d'entendre Saint-Just, une émission présentée et réalisée par Alain Trutat, avec Michel Bouquet et Jean Topard, ainsi que Roger Blin, Jacqueline Arpet, Jean Levray, Jean Martin, Yves Pénaud, Anne Pérez. Illustration rythmique, Lino Pirollo. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 9 mai 1958. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.